jour. Je sais, il est beau, il s'en fout de nous, de notre histoire d'amour. Il sait bien te faire rire et pleurer, t'aimer, nuit blanche, petit matin, câlin, serment sur l'oreiller. La nuit